C'est rien qu'une simple chanson, un petit air à l'abandon, un refrain qui rime, une voix qui s'anime. C'est rien qu'une ritournelle lâchée mais qui manque d'air, un petit rien qui veut dire tout, un infini dont on ne voit pas le bout. Pour tout te dire, tout sans mentir, maintenant que l'on n'y peut plus rien, maintenant qu'il y a eu une fin. C'est rien qu'une simple chanson, un petit air à l'abandon, un refrain qui rit, une situation anonyme. C'est rien qu'une chanson banale, livrée dans un bocal, un petit secret d'un grand intérêt, un aveu d'un seul trait. Pour tout te dire, tout sans mentir, maintenant que l'on n'y peut plus rien, maintenant qu'il y a eu une fin. Pour tout avouer, tout sans jouer, maintenant que la guerre est passée, les haines sont dépassées. Une simple chanson, un petit air à l'abandon, pour tout te dire.